إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours numéro 9 dans l'explication de ce livre تأكيد المسلمات السلفية et pour vous mettre dans le contexte un peu de qu'est-ce que ce livre explique, c'est en fait, ça parle en fait, c'est une réfutation de la aqidah des Asha'ira, et c'est en fait une clarification sur le point que, parce qu'il y a des gens qui prétendent, même eux-mêmes les Asha'ira, ceux qui font partie de cette firqa, prétendent être Ahl Sunnah wal Jama'ah, non seulement ils prétendent faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'ah, mais ils disent que ce sont eux, et non pas personne d'autre, qui sont Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc, le Cheikh, dans ce livre, qui s'appelle Cheikh Abdelaziz Raïs al-Raïs, il a écrit cette risala pour réfuter cette idée, pour réfuter ceux qui prétendent que les Asha'ira, non seulement qu'ils ne font pas non seulement qu'ils ne sont pas Ahl Sunnah wal Jama'ah, mais en plus de ça, ils ne font même pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'ah, et donc ils font partie des 72 sectes qui sont menacées de l'enfer, hein, dans le hadith des 73 sectes. Donc, jusqu'à maintenant, on est passé à travers plusieurs chapitres dans le livre. Parmi les chapitres qu'on a expliqué premièrement, le premier chapitre c'était au sujet des ulama qui ont parlé de ce sujet-là. Parmi les ulama des salafs, puis ceux qui sont venus au cours des siècles, qui ont expliqué et exprimé clairement que les Asha'ira font partie des groupes de bid'ah et qu'ils ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'ah. D'accord? Donc il a mentionné le cheikh les paroles de l'imam Ahmad, ensuite d'un autre imam qui s'appelle Abu Nasr al-Sajdi, et de l'imam Muhammad ibn Ahmad ibn Khuwayz Mundad al-Misri al-Maliki, après les paroles d'Ibn Qudama et d'Abu Hamid al-Sarayini, et par la suite de beaucoup d'autres imams parmi les imams d'Ahl al-Sunnah. Et ensuite, comme deuxième chapitre, il a fait un résumé de la aqida de Asha'ira pour faire comprendre aux gens pourquoi on dit qu'ils ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et comme troisième point, on a expliqué certaines règles qui font partie des règles de Ahl Sunnah wal Jama'ah en ce qui concerne l'attitude qu'on doit adopter envers les gens de bid'ah. Ok, et ensuite on a parlé des erreurs qui sont faites dans une fatwa, parce que à la base le livre c'est ça, c'est la récitation d'une fatwa qui a été faite par un groupe de personnes de l'Arabie Saoudite pour essayer de défendre les Asha'ira et de dire qu'ils sont pas parmi les groupes qui sont parmi les groupes de bid'ah. Donc il a noté à ce point-ci, au point numéro 4, des erreurs dans la fatwa, en dehors du fait que les gens qui ont fait cette fatwa disent qu'ils font partie de Ahl Sunnah, en plus de ça, il y a d'autres erreurs dans la fatwa. Et donc il les a énumérées, puis il a expliqué c'est quoi ces erreurs-là. Et là on est rendu au point numéro 5. Et une des personnes qui a fait cette fatwa, son nom c'est Ashir Abdullah Al-Hunayman. C'est un des trois qui a signé la fatwa. D'accord? Donc, dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il explique le Cheikh? Il explique que Abdullah Al-Hunayman, Cheikh Abdullah Al-Hunayman, Hadahullah, dans le passé, il a écrit un livre dans lequel il explique Kitab al-Tawhid. Quand on dit Kitab al-Tawhid, c'est le chapitre dans Sahih al-Bukhari qui s'appelle Kitab al-Tawhid. D'accord? Dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Tawhid. Le Cheikh Abdullah al-Hunayman, il a écrit un charh de ce livre. Et dans ce charh, quand il a écrit ce livre, il a lui-même réfuté les Asha'ira et il a exprimé clairement qu'ils ne font pas partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Contrairement à ce qu'il a dit par la suite quand il a signé cette fatwa. Donc ce chapitre, c'est pour montrer la contradiction de Abdullah al-Hunayman dans cette fatwa. Pour montrer que ce qu'il a dit, ce qu'il dit maintenant, il s'est déjà contredit par rapport à ce qu'il avait écrit dans le passé. Et il cite des passages de son charh qui montrent clairement que auparavant, il était sur la vérité. Il défendait la position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah vis-à-vis des Asha'ira et que par la suite, malheureusement, il a changé de position pour une raison ou pour une autre, Allahu A'lam, mais c'est juste pour montrer que il se contredit lui-même. Donc c'est ça ce qu'il dit maintenant dans ce chapitre. Il dit Al-Fasl al-Khamis, Tanaqud al-Sheikh al-Hunayman, Hadahullah fi hal al-Asha'ira. قد كان للشيخ عبد الله الغنيمان كلام شديد على الأشاعرة عند شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري مخالف لهذه الفتوى الجماعية التي أكدها بعد بخط يده هذا العام وإليك طرفا من كلامه قال هداه الله وهذا المذهب يعني مذهب الأشعرية الذي عليه أكثر المتأخرين مخالف لما عليه رسول الله صلى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالف لكتبه ولما عليه أتباع الرسل كما اعترف بذلك بعض كبار علماء هذا المذهب كالفخر الرازي والجويني والغزالي والشهرستاني وغيرهم وكما يأتي ذكر ذلك إن شاء الله وهكذا تبرر الأشعرية تأويل صفات أو تبرر الأشعرية تأويل صفات رب العالمين بما تعرفه من صفات المخلوقين فكأنهم لم يعرفوا من الرحمة إلا أنها العطف والرقة على المرحوم ولا من الغضب إلا أنه غليان دم القلب ثم طلب الانتقام وما أشبه ذلك ولهذا لجأوا إلى التحريف الذي يسمونه تأويلا وجعلوه واجبا ضروريا حتى لا يلزم التشبيه فيسلم المسلم من التشبيه والتجسيم على ما زعموا وهذا مع أنهم ينكرون على الفلاسفة تأويلهم نصوص المعاد وعلى الباطنية تأويلهم الشرائع أشد الإنكار فما الذي صور لهم تأويل نصوص الصفات مع كثرتها ووضوحها وما ادعوه أن العقل يوجب ذلك بإمكان كل مبطل أن يدعيه. Donc ça c'est le premier passage qu'il mentionne au sujet de la position de Abdullah al-Hunayman qui était dans son livre où il explique Kitab al-Tawhid dans Sahih al-Bukhari. Donc il dit dans le volume 1 à la page 85, ce madhab, en parlant des Asha'ira, et c'est, il dit que c'est le madhab sur lequel est la plupart des muta'akhirin, c'est-à-dire les ulama qui sont venus après le 5e siècle, alaykoum salam, il est en opposition ou en contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, et en opposition avec le Coran, et en opposition avec ce que suivaient les gens qui ont suivi les messagers d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Comme cela a été même reconnu par même les plus grands savants parmi les Asha'ira. Les plus grands parmi les Asha'ira, ils ont admis ça eux-mêmes, ils ont reconnu ça eux-mêmes, comme Al-Fakhr al-Razi, et Al-Juwayni, et Al-Razali, et Al-Shahristani. Tous ceux-là font partie des imams, parmi les imams des Asha'ira. Et il y en a beaucoup d'autres encore, d'accord? Beaucoup d'entre eux, avant leur mort, ils ont exprimé leur remords, hein, d'avoir étudié ilm al-kalam, la philosophie, ces trucs-là. D'accord? Et il dit qu'il va en mentionner d'autres, Inch'Allah. Après, il dit que les Asha'ira, ils essaient de justifier la déformation des sens qu'ils donnent aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant de faire croire aux gens que quand on exprime ou quand on parle des attributs d'Allah, comme par exemple Ar-Rahma ou Al-Ghadab ou d'autres parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de faire comprendre que lorsqu'ils mentionnent ces attributs-là, la seule chose qui vient à leur esprit et la seule chose qu'ils comprennent de ces attributs, c'est les émotions ou les sensations que les créatures ressentent par ces émotions-là ou par ces sentiments-là. Et donc, étant donné qu'ils font ce genre de tashbih, hein, de ressemblance entre ce que ressentent les êtres humains, hein, quand ils parlent de Rahma ou de Ghadab, ils essaient de dire que ce qu'ils comprennent quand ils parlent de la colère d'Allah ou de la miséricorde d'Allah, ils essaient de faire comprendre que c'est la même chose que ce que nous on ressent quand on parle de colère ou de miséricorde. D'accord? Et donc ils disent, étant donné qu'on ne connaît pas d'autres miséricordes que celles qu'on ressent nous les êtres humains, et qu'on ne connaît pas d'autres colères que ce que nous les êtres humains on ressent comme colère, lorsqu'on se met en colère, donc c'est cet attribut-là c'est un attribut d'une créature, les êtres humains. Et donc on ne peut pas l'attribuer soi-disant à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, ça impliquerait qu'il y a une ressemblance entre Allah et sa créature. Donc ça c'est leur argument. Et à cause de cette shubha, ils déforment le sens des attributs. Et ils nient ces attributs-là, que Allah s'est donné à lui-même dans sa révélation, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, au lieu de dire Ar-Rahma, ou Al-Ghadab, ils le transforment, ils le déforment. Ils disent que Ar-Rahma, c'est iradatul khayr, ou iradatul kada. Ils l'expriment, ou ils le transforment par la volonté. Ils disent en fait, la Rahma, c'est la volonté d'Allah de faire du bien à ses créatures. Ou bien Al-Ghadab, la colère, c'est la volonté d'Allah de se venger ou de punir ses créatures, des choses de ce genre. Mais bien entendu, tout le monde sait que dans la langue arabe, il y a une différence entre le mot rahma et le mot irada. Il y a une différence entre le mot ghadab et le mot irada. Et si Allah subhanahu wa ta'ala voulait dire autre chose que ces mots-là, il aurait utilisé d'autres choses que ces mots-là. Donc ça prouve que si Allah a utilisé ces termes-là, c'est parce qu'il sait comment se décrire lui-même. Et personne ne peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala mieux qu'il se décrit lui-même. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui connaît mieux Allah que lui. Et donc quand il parle à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il parle avec science et avec connaissance et avec les meilleurs termes. Hein? Donc quand il utilise ces termes-là, bien entendu, comme on sait, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa huwa as-sami' al-basir. Donc on sait qu'il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa créature. Et donc, automatiquement, si on entend que Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme attribut Ar-Rahma, ou qu'il a Al-Ghadab, ou d'autres attributs, eh bien, on sait tout de suite que l'attribut d'Allah, elle n'est pas comparable à notre attribut, même si le même terme est utilisé. Et donc, eux, ils disent par exemple que Ar-Rahma, c'est l'émotion qu'on ressent pour une personne qui envers qui on a de la miséricorde, ou bien la colère, c'est le sang qui bouille dans le cœur. Donc ils ont, on ne peut pas attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de cette ressemblance. Hein. Et nous on dit, quand on parle de la colère d'Allah, ce n'est pas comparable à la colère des créateurs. Hein. Il ne faut pas la mettre à ce niveau-là et faire ce genre de tashbih. Donc c'est ça ce qu'il dit, le cheikh dit. Hatta, il dit, ولهذا لجأوا إلى التحريف. Donc étant donné qu'ils ont fait le tashbih, pour essayer de s'enfuir du tashbih, ils ont fait le tashbih dans leur esprit. Ils ont fait une ressemblance entre Allah, entre l'attribut d'Allah et l'attribut de la créature dans leur tête. Et pour s'enfuir de cette ressemblance qu'ils ont fait dans leur esprit, ils ont nié l'attribut. Hein, ils ont nié la réalité de l'attribut. Et donc, ils sont tombés dans un autre problème, c'est التعطيل, hein, ou التحريف. D'accord? La déformation et la négation. Et donc, يعني, ça c'est un des problèmes qu'ils ont. Et le cheikh, il dit, les Asha'ira, ils ont critiqué les philosophes quand les philosophes ont, disons, interprété les versets qui parlent de la résurrection des corps. Hein, parce que les philosophes, beaucoup d'entre eux, ils refusent d'accepter ou de croire en la résurrection des corps, que Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts et qu'il va les ramener à la vie et que les corps qu'on avait vont revenir au jugement dernier. Hein, il va les faire sortir de la terre et il y aura la résurrection. Donc les philosophes, eux, ils ont nié ça. Et ils ont interprété ça d'une autre façon pour essayer de déformer la réalité de la résurrection. Et les Asha'ira ont dénoncé ça de leur part. Ils ont dit, c'est pas correct de faire ça. Vous n'avez pas le droit de déformer le sens de ces versets-là. C'est la réalité. Il faut l'accepter. De même qu'ils ont, les Asha'ira ont aussi dénoncé ce que font les Batiniyya. Les Batiniyya, comme les Ismaélites, les Druzes et les autres sectes ésotériques, parmi les sectes d'égarements. Eux, ils font non seulement le ta'wil des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ils déforment pas seulement le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils déforment le sens de tout ce qui a rapport avec la religion. Hein. Donc eux, c'est le ta'wil de la religion au complet qu'ils font. Par exemple, la salat, ça veut pas dire prier cinq fois par jour, ça veut dire quelque chose d'autre. Hein. Le somme, ça veut pas dire de pas manger, de pas boire, de ces choses comme ça. Ça c'est, eux, ils disent ça, c'est le sens que comprennent les gens ordinaires. Nous sommes arrivés à un niveau plus élevé de la religion, on n'a plus besoin de s'arrêter à ces détails. On a un secret, on a une compréhension secrète de la religion que seules nos élites possèdent, parmi ceux qui ont été initiés à nos connaissances secrètes, et donc nous, on n'a plus besoin de s'abstenir, de manger ou de boire pendant le ramadan, on n'a plus besoin de faire les cinq prières par jour, on n'a plus besoin par exemple de s'écarter de ce qui est haram, tout ça, c'est pour les gens faibles et ordinaires, nous on est plus haut. Ça c'est les Batiniyya, ils ont interprété la religion comme ça. Donc les Asha'ira, ils leur ont dit, ça c'est pas correct ce que vous faites, il faut pas interpréter et changer le sens de ces choses-là dans la religion, elles sont bien connues, il faut les accepter. Donc, nous on leur dit, d'accord, puisque vous avez refusé le ta'wil des Falasifa, et le ta'wil des Batiniyya, et le ta'wil des Mu'tazila et des Jahmiyya, alors pourquoi vous, les Asha'ira, vous vous permettez de faire le ta'wil des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, alors qu'elles sont nombreuses ces attributs-là et elles sont claires dans le Coran et dans la Sunna. Donc pourquoi rejeter certaines formes de tahrif ou de ta'wil comme ils l'appellent et en rejeter certains et en accepter d'autres, hein. Donc le cheikh il dit que on a da'ahu anna al-aql yujib dhalik bi imkan. Donc, leur réponse à ça, eux, c'est que la raison nous force ou nous oblige à changer le sens de ces attributs-là. Et le cheikh, il dit, ça, n'importe quelle personne qui a une mauvaise intention ou qui veut déformer la religion, il peut prétendre que c'est la raison qui l'oblige. Hein? Mais il y en a de prétendre que c'est la raison qui t'oblige de faire quelque chose, ça nécessite de toute façon une preuve quand même. Hein? Une preuve, bien entendu, de la révélation. Et eux, ils prétendent que d'affirmer les attributs d'Allah, c'est contraire à la raison. Bien entendu, c'est contraire à leur raison. Hein. Mais à la raison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la raison des sahaba, la raison des imams d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, pour eux, c'est pas contraire à la raison. Ça n'a jamais été contraire à la raison. Au contraire. C'est de déformer le sens et de rejeter ces attributs-là qui est contraire à la raison. Après le cheikh dit, وقال وقد انتسب إلى الأشعري أكثر العالم الإسلامي اليوم من أتباع المذاهب الأربعة وهم يعتمدون على تأويل نصوص الصفات تأويلا يصل أحيانا إلى التحريف وأحيانا يكون تأويلا بعيدا جدا وقد امتلأت الدنيا بكتب هذا المذهب وادعى أصحابها أنهم أهل السنة ونسبوا من آمن بالنصوص على ظاهرها إلى التشبيه والتجسيم. Il dit encore que la plupart des gens aujourd'hui parmi les quatre madahes, les gens qui prétendent suivre les quatre madahes, ils disent qu'ils font partie, ou ils disent qu'ils sont asha'ira. Et ça, c'est une des choses qu'on a expliqué au début dans les cours précédents, c'est qu'aujourd'hui vous allez rencontrer des gens qui sont asha'ira, puis qui sont par exemple dans leur fiqh, ils sont shafi'i, ou bien qu'ils sont maliki. Parfois, ils sont aussi peut-être hanbali. Et s'ils sont hanafi, ils sont maturidi. Donc, il y en a parmi les gens aujourd'hui, parmi les mutabi'a, que ce soit des ahbash, ou d'autres jama'at, il y a des groupes qui sont asha'ira, eh ben, ils essaient de faire croire aux gens que يعني les quatre imams des mazahib étaient des asha'ira. Il essaie de faire croire aux gens que les imams des quatre mazahib étaient des asha'ira. Et bien entendu, il essaie de justifier ça par le fait que plusieurs des ulama ou des fuqaha ou des shuyukh aujourd'hui qui suivent ou qui prétendent appartenir à ces écoles, soi-disant, de fiqh, sont des asha'ira. Donc il essaie de dire que puisque les choses aujourd'hui qui se disent Asha'ira ou Malikiya sont des Asha'ira, c'est la preuve que, soi-disant, les imams de ces quatre madahib étaient eux aussi des Asha'ira. Et ça, bien entendu, c'est totalement faux. Parce que quand on retourne aux paroles des imams des madahib, on voit que leur position était la position des salaf salih. Tout le monde a au moins entendu une fois la parole de l'imam Malik ibn Anas. Rahimahullah, quand on lui a demandé la question au sujet de l'istiwa, il a répondu al-istiwa ou ma'loum, ou al-kayf ou majhoul, ou al-iman ou bihi wajib, ou al-su'al ou anhu bid'ah. C'est-à-dire de croire à l'istiwa, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, qu'il est monté au-dessus de son trône, ça c'est connu dans la langue arabe, sa signification. Et le commun est inconnu, c'est-à-dire on ne peut pas le connaître. Et des fois, dans d'autres narrations, c'est wal-kayf ghair ma'qul. Dans d'autres narrations, le comment, tu ne peux pas le comprendre, comment Allah est monté au-dessus de son trône. Et de croire en l'attribut de l'istiwa, c'est obligatoire pour le musulman, puisque Allah il nous informe de ça dans la révélation, ou de demander au sujet du comment de l'attribut, c'est bid'ah. Ça fait partie des bid'ah. Pourquoi? Parce que les sahabas n'ont jamais posé cette question. Les sahabas n'ont jamais essayé de savoir comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Donc, ça c'est pour vous montrer juste la position de l'imam Malik, rahimahullah. La même chose, si vous regardez les positions de l'imam Ahmed, c'est très connu. Comment il a réfuté les Mu'tazila et les Jahmiya, et comment il a été testé à propos de la fitna de Khalq al-Qur'an et d'autres positions. Et la position des autres a'immas, parmi les imams des salafs, qui ont affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala, il est mustawin ala arshi, c'est quelque chose qui fait partie de l'ijma'. D'accord? Il n'y a pas de khilaf entre les imams des salafs à ce sujet-là. Donc, de prétendre que ces imams faisaient partie des asha'ira, déjà la preuve que c'est faux, c'est que l'imam al-ash'ari, il est né après la mort de ces quatre imams. Donc, comment pourraient-ils être eux-mêmes des asha'ira? Puisqu'ils sont morts avant sa naissance. Et ça, c'est la preuve que c'est complètement absurde. Et donc, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais malheureusement, pour des raisons historiques, ce madhhab s'est répandu dans différentes régions du monde, ok, durant l'époque de Salah ad-Din Ayyubi, lorsqu'il a combattu les Ismaélites, qui étaient les Fatimiyyah, ce qu'on appelle les Fatimiyyah en Égypte. Et on sait que Al-Azhar, ça a été construit par les Fatimiyyoun, les Ismaélites, qu'on appelle Al-Fatimiyyoun, c'est eux qui ont construit Al-Azhar. Et quand il les a chassés de l'Égypte, eh ben, il a mis à leur place des ulama et des shuyukh qui étaient sur la aqida des Asha'ira. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on enseigne jusqu'à aujourd'hui, l'aqida l'ash'ariya. Et au nord de l'Afrique, c'est la même chose. Ça est, disons, dans les pays du nord du Maghreb, puis en Andalousie, ils étaient tous sur l'aqida des salafs. Jusqu'à ce que vienne Ibn Tumart. Et lui, Ibn Tumart, il a étudié avec Al-Ghazali. Et Al-Ghazali était un des imams des Asha'ira. Quand il est revenu dans le Maghreb, et bien, il s'est déclaré le Mahdi. Et il tuait et il exécutait toute personne qui n'acceptait pas sa aqida. Et c'est de cette façon-là qu'il a imposé à tous les shuyukh et à tous les ulama sa aqida. Et ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, ils étaient tués ou exécutés. Et c'est de cette façon-là que cette aqida s'est répandue au nord de l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, on trouve cette aqida enseignée dans les universités, dans les pays du nord de l'Afrique aujourd'hui. D'accord? Et donc, de toute façon, comme on dit, c'est une aqida qui est répandue, qui est enseignée dans plusieurs pays, mais quand on retourne à l'origine de cette aqida, elle ne vient pas du Coran, ni de la Sunna, ni des salaf salih, et elle est en contradiction avec tout ce que les imams des madahib ont enseigné. Ça, c'est important de le comprendre. Et il y en a des livres, et même des traductions du Coran qui ont été traduites, qui sont basées sur cette aqida-là. Comme par exemple, il y a une traduction du Coran par Salahuddin Kashrid. Je pense que vous le connaissez. Et bien lui, c'est un Ash'ari. Il a traduit beaucoup des livres également de Mohamed Qutb et de Hassan al-Banna et de d'autres, hein, si je ne me trompe pas. Riyad Salihin aussi. Donc, quand il arrive dans les versets ou les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les traduit selon la croyance des Asha'ira. Et regardez même dans sa traduction du Coran, quand il traduit Ar-Rahman ala al-Arshistawa, et regardez comment il le traduit à la compréhension des Asha'ira. Et quand il dit Fulmastawa ala al-Arsh, la même chose. Il traduit comme si on voulait dire Allah a pris le pouvoir et l'éminence sur son trône. Il ne traduit pas en voulant dire que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Donc ça c'est un exemple. Et non seulement celui-là, il a des livres, même un livre même sur la aqida qu'il a traduit, dans lequel il explique la aqida selon la voie des Asha'ira, clairement. Quand il parle de l'iman billah, il explique les 13 attributs affirmés par les Asha'ira et à la façon des Asha'ira, etc. Donc, c'est pour vous dire que même dans les traductions, des fois, si quelqu'un n'a pas une bonne compréhension de l'aqida, ben ça va affecter sa traduction. Et puis, il va induire beaucoup de gens en erreur par ça. Et bien heureusement, alhamdulillah, que les gens qui lisent parfois les traductions ne sont même pas au courant des détails de ces choses-là, alors ils passent par-dessus sans même remarquer la bid'a. Hein. Mais c'est bien entendu un homme averti en vaut deux. Donc c'est toujours mieux de savoir et de connaître pour faire attention justement de ne pas tomber dans ces erreurs de compréhension-là. Ensuite, le chef il dit donc que la plupart de ces gens-là aujourd'hui, parmi les Asha'ira qui sont dans le monde et qui prétendent suivre les quatre imams, ils se basent sur l'idée qu'ils doivent changer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils le font d'une façon qui amène même à déformer le sens réel de ces attributs-là, et parfois même de façon très très éloignée du sens réel de ces attributs-là. Et leurs livres sont répandus actuellement dans le monde, hein, et donc comme je vous ai donné l'exemple de la traduction, mais en arabe aussi c'est la même chose, des fois vous trouvez des tafsirs ou d'autres livres de aqida qui répandent cette aqida-là. Ils prétendent être Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, hein, et ils disent que ceux qui croient au texte dans leur sens apparent, tels qu'ils sont dans la révélation, ils disent que ce sont des mushabbiha ou bien des mujassima. Ça c'est ce que vous trouvez dans les réfutations. Par exemple, vous trouvez des sites internet ou des livres, hein, qui sont sur internet ou même qui sont distribués, et des fois c'est soi-disant des réfutations de Ibn Taymiyyah ou des réfutations de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et quand vous voyez par exemple qu'est-ce qu'il reproche à Ibn Taymiyyah et qu'est-ce qu'il reproche à Ibn Taymiyyah, parmi les premières choses qu'il mentionne, ah, ce sont des mujassima, ou ils disent ah c'était un mujassim ou un mushabbih. Et quand vous regardez, ben c'est quoi un mushabbih? C'est quoi un mujassim? Hein, tajsim, ça vient de l'jism. Le mot jism, ça veut dire un corps. Et at-tashbih, ça vient de shabah, ça veut dire de donner une ressemblance, de faire ressembler Allah à sa créature. Et donc, quand vous retournez à ces explications-là, ils essaient de faire croire que d'affirmer les attributs d'Allah tels qu'elles sont dans la révélation, ça veut dire que tu fais ressembler Allah à sa création. Ou bien que tu donnes à Allah un corps. Donc ils disent, on peut pas dire que Allah est au-dessus de son trône. Parce que ça voudrait dire qu'il a un corps. Et si on dit qu'il a un corps, ça veut dire qu'il ressemble à sa création. Et donc, on peut pas affirmer cet attribut-là. Donc ça, c'est des exemples de shubuhat qu'ils donnent. Et bien entendu, tout ça, c'est contraire. Au manhaj d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, At-Tashbih, c'est quoi? On l'a expliqué plusieurs fois dans plusieurs cours, dans différents livres qu'on a expliqué. Mais c'est juste pour rappeler encore. Il y a deux catégories de Tashbih que quelqu'un peut faire. Soit qu'il fait ressembler la créature au créateur, ou qu'il fait ressembler le créateur à la créature. Celui qui fait ressembler le créateur à la créature, comme certaines sectes des Shia, qui ont dit par exemple que Allah il est de telle façon, comme un jeune ou comme une personne avec une barbe blanche ou des trucs comme ça. Ça, celui qui dit ça, que la main d'Allah est comme la main d'un être humain, ça c'est tashbih, ça c'est kufr. Tous les salafs ont dit, celui qui dit ça, il est kafir. Hein. Et une autre forme de tashbih, c'est celui qui fait ressembler la créature au créateur. De quelle façon? Et ça, c'est une chose en fait que ces gens-là font souvent, parmi les soufis et parmi les acha'ara. Ils font souvent ressembler la créature au créateur, de différentes façons, en donnant à des êtres humains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, ilmul ghaib. Ils disent que les awliya connaissent le ghaib. Hein? Et donc ça, c'est de donner à une créature un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est une forme de tashbih. Et ça aussi c'est kufr, de dire qu'un être humain possède des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est une autre catégorie de tashbih. Mais eux quand ils disent tashbih, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? C'est que si tu dis que Allah a, ce que Allah a dit, pour eux, ça veut dire comme si Allah a dit dans le Coran, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des juifs, les juifs ont dit la main d'Allah est fermée, que leurs mains soient fermées, et ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit. En réalité, les deux mains d'Allah sont grandes ouvertes et il donne comme il veut. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas avare comme l'a prétendu les juifs, au contraire, il donne de ses bienfaits et de ses miséricordes comme il veut et à qui il veut, et ses deux mains sont grandes ouvertes. Celui qui dit les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont grandes ouvertes, est-ce qu'il a fait le tashbih? Il a dit ce que Allah a dit, hein, et on dit « laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir ». La main d'Allah c'est la main d'Allah, la main de la créature c'est la main de la créature, hein, la main d'un animal c'est la main d'un animal. Et il n'y a pas de tashbih à faire entre différentes formes de mains selon à qui on l'attribue. Hein? D'accord? Donc ça c'est un point important pour comprendre, pour justement lorsqu'on entend ces gens-là qui disent « Ah, vous êtes des mushabbiha » ou des anthropomorphistes, c'est comme ça qu'ils le disent en français des fois, hein? La même chose, ou bien des mujassima. Bon. En ce qui concerne le terme « jism », ça c'est un des termes que les ulama ont dit, ça fait partie des termes qu'on appelle al-faz al-mujmala, les termes qui peuvent vouloir dire quelque chose de vrai et des choses qui peuvent vouloir dire la même chose, en même temps quelque chose de faux. Et donc la position des ulama de Ahl al-Sunnah, en fait la règle c'est quoi? Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans le Coran et dans la Sunnah, on l'affirme. Ce que Allah a dit dans le Coran, on l'affirme. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna authentique, on l'affirme. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié à son sujet dans le Coran, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le nie. Par exemple, que Allah par exemple le sommeil, on le nie. Allah subhanahu wa ta'ala dit la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, on le nie. Al-walad, qu'il a un enfant, on le nie. Qu'il mange, on le nie. Qu'il a une compagne ou une femme, on le nie. Tout ce qu'il a nié, on le nie. D'accord? On affirme ce qu'il affirme, on nie ce qu'il nie. Mais quand c'est quelque chose qu'il n'a pas affirmé et qu'il n'a pas nié, qu'est-ce qu'on fait? Comme par exemple les falasifa ou les ahlul kalam, les gens de kalam, ils ramènent plein de trucs qui n'ont aucune référence, aucune preuve, et ils commencent à nier et affirmer ou à dire des choses sans connaissance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils disent par exemple, il n'a pas de corps, il n'a pas de couleur, il n'a pas de ci, il n'a pas de ça. Hein? Donc déjà en premier de dire ces choses-là à propos d'Allah, c'est un manque de respect à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. On ne parle pas d'Allah comme on parle de n'importe quelle chose ou de n'importe quel sujet. Il faut avoir premièrement le respect quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne dire à propos d'Allah que ce qui est mentionné dans la révélation. Mais lorsqu'ils arrivent avec ces termes-là, Ibn Taymiyyah a expliqué, et d'autres ulama, s'ils disent les termes comme par exemple le corps, ou l'espace, ou l'endroit, ou le lieu, al-makan, on ne l'affirme pas et on ne le nie pas. On s'arrête, hein, et on regarde qu'est-ce qu'il veut dire par ce terme, hein, comme les ulama ont expliqué. Est-ce que quand vous dites le terme jism, est-ce que vous voulez dire par exemple, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme il s'est décrit lui-même, et qu'il a les attributs qu'il s'est décrit lui-même, par exemple qu'il a un visage, et qu'il a deux mains, et qu'il a deux yeux, et qu'il est comme il s'est décrit lui-même. Si c'est ça ce que vous voulez dire, et que vous dites « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir » et que vous lui attribuez ces choses-là comme cela lui convient, « Kama yaliqu bi jalalihi » dans ce cas-là, oui, vous devez l'affirmer. Hein? Mais si vous voulez dire par ça quelque chose qui voudrait dire, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala est comme la créature, et qu'il ressemble à sa créature, dans ce cas-là, on va le nier. Et de toute façon, on dit à la base que d'utiliser ces termes-là, c'est haram, c'est bid'a, parce que les salafs n'ont pas utilisé ces termes. Hein, les salafs n'ont jamais parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. Ils n'ont jamais nié ni affirmé le corps. Et donc nous, on s'arrête et on ne dit pas ce qu'Allah, on ne dit que ce que Allah a dit. Donc ça c'est, j'ai dépassé l'explication du cheikh, mais c'est juste pour clarifier à ce sujet-là, pour répondre à ces gens de bid'a quand ils amènent leur shubuhat. Et j'ai entendu que ici à Paris, il y a beaucoup parmi les ahbash, hein. Donc c'est sûr que vous allez en rencontrer de temps en temps, et donc vous saurez maintenant un peu comment ils, quels shubuhat ils utilisent, et un peu comment les règles de base. Mais vous pouvez aussi retourner à l'explication de l'Aqid al-Wasitiyya et à d'autres livres qu'on a expliqués qui clarifie la position des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va vous aider à comprendre un peu mieux sur ce sujet-là. Ils sont même à Montréal en passant, ils sont dans différents pays, différentes villes, et donc c'est toujours bien de s'informer pour savoir comment leurs égarements et comment s'en protéger. Ensuite, il cite une autre citation, il dit وقال وهذا لابد لعلماء الإسلام وورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاومة هذه التيارات الجارفة على حسب ما تقتضيه الحال من مناظرات أو تأليف وبيان الحق بالبراهين العقلية والنقلية وقد يصل الأمر أحيانا إلى شهر السلاح وقال وقد أكثر علماء السنة من التأليف في الرد على أهل الأهواء والانحراف كما ظهر بعض الطوائف المقابلة لتلك البدع كالسالمية والكلابية الذين تولوا أيضا الرد على أهل تلك الانحرافات غير أنهم كثيرا ما يردون البدع ببدع مماثلة ولم مماثلة لما يرد أو قريبا منها ويزداد من أجل ذلك التباس الحق على كثير من الناس بخلاف ما إذا كان الرد بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو منهج أو نهج أهل السنة بالإضافة إلى المعقول الصريح. Donc le cheikh il mentionne encore deux citations de Abdullah ibn Ayman. La première qui dit « Et il faut que les ulama de l'islam et les héritiers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'opposent à toutes ces tendances qui ont rapport avec la aqidah des Asha'ira pour répondre à ces formes de bid'a et d'égarement en faisant soit des débats ou en écrivant des livres pour réfuter leurs idées. Il dit le chef qu'on peut répondre à ces gens-là, c'est-à-dire les ulama, ils vont répondre à ces jeunes bid'a par des débats ou par des écrits, des livres qu'ils vont écrire pour clarifier la vérité avec les preuves rationnelles et les preuves des textes également. Et parfois même ça peut aller jusqu'à, dans certains cas même jusqu'aux armes, si c'est selon la situation. Bon, Cheikh n'a pas détaillé, mais bien entendu, c'est dans les limites de la charia. Après, il dit Waqal, Waqad Akthar al-Ulama, c'est ça. Il dit qu'il y a beaucoup d'ulama, des ulama d'Ahl al-Sunnah, qui ont écrit pour réfuter les gens de Bid'a, les gens d'Ahwa, ce qu'on appelle Ahl al-Ahwa, wal-Inhiraf, les gens qui suivent leur passion, qui suivent les Bid'a et qui suivent la déviation. Comme par exemple les Mu'tazila et les Jahmiya. Beaucoup d'ulama les ont réfutés. Et on a même vu de la part de certains groupes qui s'opposent à ces groupes de bid'a, comme les Mu'tazila et les Asha'ira, les Mu'tazila et les Jahmiya, il y en a qui ont essayé de les réfuter aussi. Comme par exemple, ils mentionnent Al-Salimiya et Al-Kullabiya. Si vous n'avez pas écouté les premiers cours, peut-être vous savez pas vraiment qui sont Al-Kullabiyya. Mais en réalité, quand on parle des Asha'ira qui vivent aujourd'hui, ce sont en réalité ce qu'on appelle Al-Kullabiyya. Ceux qui se disent aujourd'hui Asha'ira, ils n'ont rien à voir avec l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari réellement. Pourquoi? Parce que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il s'est repenti de la aqidah qu'il suivait avant sa mort. Et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana, dans lequel il a affirmé qu'il croyait en la aqidah des ulama des salaf et de l'imam Ahmad. Et il a affirmé les attributs dans ce livre-là. Et le livre, il est publié, il existe actuellement. Et plusieurs ulama ont confirmé que ce livre-là était effectivement son livre à lui. Et que c'est pas quelqu'un qui l'a écrit qui lui a attribué. C'est son livre. D'accord. Donc, il a passé à travers, comme on a expliqué, il est passé par trois étapes, l'imam Abu al-Hassan. Pendant 40 ans de sa vie, il était mu'tazili. Et après, il a fait tawba. Il a quitté soi-disant les mu'tazila, sauf qu'il a adopté une aqidah qui était elle aussi contraire à celle des salaf. Et c'est la aqidah de Muhammad ibn Abu Muhammad ibn Kullab. Et il est resté sur cette aqidah-là pendant un bon bout de temps. C'est une aqidah qui essaie de, réunir les deux méthodes. La méthode des Mu'tazila et la méthode des Salaf ensemble. Donc il affirme certaines attributs et puis lui les autres. Contrairement aux gens d'Ahl al-Sunnah qui affirment toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se base sur la raison, etc. Donc, par la suite, avant de mourir, il s'est repenti, puis il a affirmé elle c'est la aqidah de l'imam Ahmad. Donc ça c'est pour dire que quand il est mort, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il était sur la aqidah des salaf salih. Sauf que ceux qui l'ont suivi par la suite, qui le suivent aujourd'hui et qui prétendent être Asha'ira, ne sont pas donc sur la aqidah de Abu al-Hassan al-Ash'ari, mais sur la aqidah de Abu Muhammad ibn Kullab. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont Al-Kullabiyya. Et c'est pour ça que le Cheikh il dit, les Salaf ont réfuté les Mu'tazila et ils ont réfuté les Jahmiya. Peut-être que vous ne savez pas encore qui sont les Jahmiya et les Mu'tazila en détail, mais si vous retournez au cours précédent, vous allez voir, dans les premiers cours on a expliqué ça. Donc, ils ont réfuté ces sectes-là, puis il y a des groupes comme les Kullabiyya, ce qu'on appelle aujourd'hui les Asha'ira, qui ont essayé eux aussi de réfuter les Mu'tazila. Sauf que, comme le Cheikh il dit, ils essaient de réfuter une bid'a par une bid'a. Hein? Les gens de bid'a, quand ils réfutent d'autres gens de bid'a, ils essaient ce qu'ils font. Ils réfutent une bid'a par une autre bid'a, parce qu'ils ne retournent pas au Coran et à la Sunna pour les réfuter, mais ils retournent à leur raison et à leurs innovations. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de clarifier la vérité, ils la mélangent encore plus et ils rendent la vérité encore plus mélangeante pour les gens. C'est-à-dire, ils mélangent les choses encore plus pour les gens et donc les gens sont encore plus confus. C'est ce qui s'est passé, hein, par la suite. Et donc, ça c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mélangé la vérité pour plusieurs personnes, contrairement à ceux qui, parmi les ulama de Ahl-Sunnah, réfutent les gens de Bid'a en se basant sur le Coran et la Sunnah, comme c'est la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, en plus de se baser également sur la raison parfois même pour confirmer ce que les textes ont affirmé. Et c'est pour dire en fait que lorsque vous regardez souvent les réfutations des ulama des salaf et des imams de Ahl-Sunnah, quand ils réfutent les Mubtadi'a, ouvrez leurs livres et regardez. C'est presque seulement des hadiths. Hein? Le livre, par exemple, Kitab al-Iman, dans Sahih Muslim, c'est une réfutation des Khawarij, et c'est une réfutation des Murji'a et des Mu'tazila sur la question de Al-Iman. Hein? Et la même chose de Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, il réfute les Jahmiya et il réfute les Mu'tazila, il réfute plusieurs des sectes dans son livre de Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Tawhid, dans Al-I'tisam, les Sunnah, et dans plusieurs chapitres, il utilise des hadiths pour réfuter ces sectes-là. Hein, dans son livre, par exemple, dans lequel il réfute, c'est quoi ce, l'imam al-Bukhari, il a un livre qui s'appelle Khalf Af'al al-Ibad. Hein, et dans ce livre-là, il réfute, les Mu'tazila. D'accord? Et donc, dans ce livre-là, il mentionne des hadiths et des hasards seulement. Hein? La même chose si vous regardez, par exemple, le livre de l'imam Abu Daoud, hein, Kitab al-Sunnah, dans la Musnad de Abu Daoud. Vous regardez, vous voyez qu'il a un chapitre où il réfute les Jahmiyyah. Et les Mu'tazila, c'est seulement des hadiths. Hein. Et donc il y a beaucoup de livres comme ça, des livres comme Kitab al-Iman de Ibn Abi Shayba, hein, et de l'imam, donc beaucoup d'autres a'imma comme ça. Le livre de l'imam al-Marwazi, Ta'zim Qadr al-Salah, il réfute les Khawarij et les Mu'tazila, et c'est des hadiths seulement, des affaires. Donc, quand les imams d'Ahl-Sunnah réfutent ces gens-là, ils ne font que mentionner ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Tandis que les autres qui essaient de réfuter ces gens-là, ils se basent sur des philosophies, sur des principes, sur des règles qu'ils établissent eux-mêmes, et donc ils mélangent la vérité et le faux encore plus. Hein, ils rajoutent des innovations de leur propre esprit, de leur propre tête. Et donc ça c'est pour montrer la distinction entre la voix des gens de la Sunna et les gens de la Bid'a. Donc on va, je ne sais pas si c'est maintenant, on va faire la salat, puis après la salat, je ne sais pas combien de temps il reste pour la salat. Ok, d'accord, donc on va s'arrêter maintenant, puis, ouais, ok, il ne reste pas grand chose, donc on peut s'arrêter, hein, Inch'Allah, khair, Inch'Allah, ouais, c'est vrai. Donc le Cheikh dit, « Wa lahu risalatun mukhtafara bi'unwan al-iman haqiqatuhu ziyadatuhu wa thamaratuhu. كتبها قبل 3 سنوات يذكر أن المرجئة مغيرون ومقابلون لأهل السنة فيقول قالت المرجئة وقالت أهل السنة مما يدل على أن المرجئة ليس من أهل السنة فقال أما تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة فهو محل اتفاق بين أهل السنة والمرجئة ولكنهم ينازعون أهل السنة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان وقد تقدم أن الأشاعرة مرجئة لا يرون العمل من الإيمان فهم على هذا ليسوا من أهل السنة والجماعة ولا الفرقة الناجية كما ذكر في الفتوى الجماعية، بل إن الأشاعرة زادت ضلالة ببدع أخرى كما تقدم ذكر بعضها، فهم أولى بالتبديع والتضليل. Donc le cheikh il dit ici que Abdullah al-Hunayman, le cheikh Abdullah al-Hunayman, a une petite risala, un petit texte, un petit livre qu'il a écrit au sujet de l'Iman, au sujet de la foi. Et dans le titre c'est Al-Iman, Haqiqatuhu, Ziyadatuhu, wa Samaratuhu. C'est-à-dire la foi, sa réalité, son augmentation et ses fruits. Donc dans ce livre-là, il a écrit à partir de l'année de la réfutation qu'on lit maintenant, ça faisait 3 ans qu'il l'avait écrit déjà. Et dans ce livre-là, il avait expliqué que les murji'a, c'est ceux qui disent que les actions ne font pas partie de la foi. D'accord? Ils disent que les actions ne font pas partie de la foi. Donc, la foi c'est dans le cœur seulement. Si tu dis je suis croyant, j'ai la foi, même si tu pries pas, tu fais rien, tu es quand même un bon musulman, un bon croyant, ta foi est correcte, t'as pas de problème. Et il croit que tout le monde a le même niveau de foi. Celui qui est le prophète, les anges, les hommes pieux, et les pécheurs, les gens qui prient pas, les gens qui font le haram, tout ça, selon eux, tout le monde est égal. Pas de différence entre les croyants. Donc, ils ont des problèmes dans leur compréhension, et c'est une parmi les sectes de Bid'a, d'accord? Donc, quand le cheikh Abdullah al-Hunayman parle des murji'a dans ce livre-là, ils disent qu'ils s'opposent à Ahl-Sunnati wal-Jama'a et qu'ils sont différents d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Et ils disent, par exemple, les murji'a ont dit telle chose. Et après, ils disent, Ahl-Sunna, les gens de la Sunna ont dit telle chose. Ça prouve qu'ils ne sont pas, ils ne font pas partie d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a, d'accord? Et donc, à un endroit, il dit que, il parle de la différence des gens qui, la différence entre les gens dans la foi, que par exemple certains ont plus de foi que d'autres et tout ça, il dit que ça c'est quelque chose au sujet duquel tous les gens sont d'accord, parmi les imams d'Ahl-Sunnah wa Jama'a, que il y a des divergences ou des différences d'une personne à l'autre dans sa foi. Et même dans une même personne, la foi n'est pas toujours au même niveau. Des fois, ta foi peut augmenter et peut diminuer. D'accord? Donc, ça, c'est la position de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et ça, c'est un des points sur lesquels, les gens de la Sunna, contredisent, les Murji'a. Ils disent, voilà, qu'innahum yunazi'una Ahl-Sunnah fi dukhul al-a'mal fi musamma al-Iman. فهو محل اتفاق بين المرجئة. أما تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة فهو محل اتفاق. Lui il dit, le chef ici, que c'est quelque chose dans lequel les gens sont d'accord. Bon, peut-être qu'il y a des degrés dans les murji'a, il y a des degrés. Mais là c'est encore des détails, parce que parmi les murji'a il y a les jahmiya et il y a les murji'a qu'on appelle irja' al-fuqaha, puis différents degrés de irja'. Et donc il y en a qui sont plus égarés que d'autres. Mais bon. Et après, il dit, mais toutefois, il s'oppose avec les gens d'Ahl-Sunnah sur le fait que les actions, ils disent que les actions ne font pas partie de la foi. Toutefois, Ahl-Sunnah et Wal-Jama'a ont dit, la foi, c'est al-Iman, qawlun wa amal, wa a'tiqad. Yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya. C'est-à-dire, les actions, ça comprend la foi, ou la croyance, les paroles et les actions. Elles augmentent avec les bonnes œuvres et elles diminuent avec les péchés. Donc, c'est un exemple pour montrer que même Abdullah al-Hunayman, même dans ce livre-là, il avait lui aussi fait la distinction entre les murji'a et Ahl-Sunnah. Et c'est pour dire que, donc s'il a fait cette différence-là et qu'il a avoué que les murji'a ne font pas partie de Ahl-Sunnah wa Jama'a et qu'ils ne font pas partie du groupe sauvé, donc il se contredit dans cette fatwa qu'il a écrite dernièrement en disant que les Asha'ira font partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? Parce que les Asha'ira sont des murji'a dans la foi. Parmi les principes et les fondements des Asha'ira, c'est que les actions ne font pas partie de la foi. Ça c'est un de leurs principes et ça fait partie de leur croyance. Donc ça veut dire qu'ils font partie des gens de Bid'a, même selon Abdullah al-Hunayman, et que Abdullah al-Hunayman s'est contredit lui-même en disant qu'ils font partie de Ahl-Sunnah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis je vous conseille ou je vous suggère de ceux qui veulent, disons, avoir une meilleure compréhension de tout ce sujet-là, de retourner au cours qu'on a fait dans le passé, dans l'explication du livre Ta'kid al-Musallamat al-Salafiyya, ou bien d'autres durus qu'on avait fait dans le passé, comme Kitab al-Aqid al-Wasitiyya et d'autres, ou bien des livres qui ont été traduits à ce sujet-là, pour bien comprendre le sujet dont on est en train de parler. Et puis vous allez voir, Inch'Allah, c'est bénéfique. Donc, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fikum baraka, Inch'Allah.